Les 60 affaires judiciaires concernant les morts ou les disparus ont toutes été clôturées par un non-lieu. Madame Calfi n'a jamais été entendue par un juge d'instruction. Pendant des années, elle a multiplié les démarches et n'a jamais cessé son combat pour retrouver son mari. Le 28 février 1989, sa disparition est enfin reconnue par le tribunal de grande instance de Nanterre. Les crimes et exactions commis dans le cadre d'opérations de police avant le cessez-le-feu et en relation avec les événements d'Algérie sont couverts par des lois d'amnistie. Aujourd'hui, les victimes attendent toujours que l'État français reconnaisse ses responsabilités.